Vandenborg, la confiance. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Et nous accueillons Delphine Hermans pour s'informer. Bonjour Delphine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une année à l'école primaire coûte plus de 1000 euros aux parents, 1225 euros exactement. Un chiffre de la Ligue des familles qui peut étonner puisque l'enseignement est censé être constitutionnellement gratuit. La Ligue des familles a sondé 521 familles en Fédération Wallonie-Bruxelles pour arriver à ce chiffre sur les différents frais liés à leur scolarité, que ce soit en termes de fourniture, de repas à la cantine, de voyage et d'autres sorties scolaires. Dans le secondaire, cette fois, une année revient à 1550 euros en moyenne, c'est un peu plus cher. Par contre, en maternelle, le montant est beaucoup moins élevé. Il est question de 280 euros. 17 000 emplois au moins ne trouvent pas preneur en Belgique dans plusieurs secteurs de l'automobile, des transports routiers ou encore de la chimie-pharmacie. Les profils recherchés sont des travailleurs hautement qualifiés comme des ingénieurs et aussi des personnes avec un niveau de qualification moins élevé mais qui ont des compétences spécifiques telles que les couvreurs ou les conducteurs d'engins de chantier. Dans certains cas, le manque d'expérience n'est même plus un problème pour décrocher le job. Toujours chez nous, si vous devez faire le plein, faites-le aujourd'hui. En tout cas, si votre voiture consomme du diesel, il augmentera demain de 3 centimes d'euros du litre. Le prix du gasoil de chauffage aussi, une hausse d'environ 3 centimes pour les commandes de moins de 2000 litres et de 5 centimes pour celles à partir de 2000 litres. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, la Californie, toujours la proie des flammes. Un gigantesque incendie se propage à présent à l'est de Los Angeles. 7200 hectares sont partis en fumée en moins de 24 heures. Au total, plus de 82 000 personnes ont été évacuées. L'état d'urgence a été déclaré. En Turquie, le grand nettoyage continue après la tentative de coup d'État il y a un peu plus d'un mois. Dans l'administration turque aujourd'hui, le gouvernement a pris deux décrets. Plus de 2000 policiers, des centaines de militaires et des membres de l'autorité nationale des technologies de l'information et de la communication sont révoqués. Ils sont accusés d'être en lien avec l'ex-imam Fethullah Gulen, celui qui est accusé d'avoir mené le putsch raté par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et dans le même temps, toujours en Turquie, 38 000 prisonniers vont être libérés. Des prisonniers qui ne sont pas impliqués dans le putsch raté, donc des personnes qui ont été condamnées avant le 1er juillet dernier. Il s'agirait de désengorger les prisons turques avec cette décision. Après les belles médailles des Belges hier au JO, de nouveaux espoirs peut-être aujourd'hui avec Mohamed Kedbi en taekwondo chez les moins de 58 kilos. Il disputera les huitièmes de finale à 16h45 et un peu plus tôt, vous pourrez suivre par exemple le décathlon en athlétisme. Notre compatriote Thomas van der Platzen s'élancera pour le 100 mètres à 14h30. La météo, un temps toujours chaud et ensoleillé aujourd'hui avec des températures de 22 à 26 degrés. Il faudra en profitez parce qu'en fin de journée et dans la nuit, les nuages vont revenir. Demain, le ciel deviendra de plus en plus menaçant avec un risque d'averse en soirée. RTBF Mobile Info avec vous, Jean-Marc Stray, les LIA défilent vers la France. Oui, effectivement, poste frontière sur le 429 entre Caen et Blandin. Il y a des répercussions aussi sur le 42 depuis Tournai. Vous perdez un peu moins d'une heure. Patience, circulation dense aussi vers la côte, en accordéon, peut-on dire, entre Ternat et Herpemer, entre Merelbeek et Gand, ainsi qu'à hauteur de Nivelleux. Vous perdez une bonne trentaine de minutes, donc pas de catastrophe, mais des ralentissements vers la mer. Pour la circulation extérieure du ring, il y a du monde entre Woulu et Saint-Etienne et Diguem et hauteur de Wimmel vers Grand-Bé. Pour la circulation intérieure dans la zone des travaux qui se situe entre Bercé et les forêts vers Grand Bigard, un incident s'est produit sur la petite ceinture de Bruxelles à hauteur de la gare du Midi. Le tunnel Léopold 2 est fermé d'ailleurs dans les deux directions. Et puis de gros embarras de circulation sur la N56 Nimi-Hatt à hauteur de Cambon-Castaux et ce dans les deux directions. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et un air de vacances commence sur Vivacité. Comment est-ce que je vous appelle? Stéphane, Étienne. Je vous ai appelé Delphine. Justine Delphine. Ah oui, voilà. Votre prénom à vous, c'est Justine. C'est Justine. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Et en plus, nous sommes mercredi. Si vous voulez, vous pouvez m'inviter au restaurant ce soir. Ah, voilà. Je ne le prendrai pas mal. Pas de soucis, Stéphane. Bon, Justine Hermans nous informait sur Viva et pour nous faire pardonner, il y a... Pardonne-moi ! Voilà. Carrément. Ah ouais, ouais. Faut assumer ses erreurs, madame. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Avec la carte Cora et le bon du Folder, jusqu'à 20% de remise au rayon papeterie. Une vraie leçon d'économie. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Comment ça va? Il fait encore beau et chaud aujourd'hui, plein de soleil, quelques petits cumulus de décoration et on va bien sûr en profiter. Alors je sais pas comment vous vous sentez, mais nous on se sent un petit peu comme quand il reste 2 jours de vacances. Hein. Et on se dit, ah bah il reste 2 jours. Bah oui, on va profiter des 2 jours, mais il reste que 2 jours. Bah oui, oui, puisque dès lundi, vous le savez, ce sera la rentrée sur Vivacité, mais on va encore bien sûr profiter de l'été et envoyer de la vitamine D, même si elle est bien présente aujourd'hui à l'extérieur, notamment grâce au tube de l'été. Et tout à l'heure, il y aura Mungo Jerry. Et dans quelques instants, ce sera Michel Polnareff avec ses lunettes de soleil dans le cadre des tubes de l'été. On appellera les People en vacances, une des présentatrices emblématiques de la météo sur TV5 Monde, qui présente également Juste à temps sur la 2. Sandrine Scourneau sera votre invitée, et puis Chantal Goya sera également avec nous tout à l'heure à 12h30. Puis des cadeaux, on va vous envoyer au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe aujourd'hui avec un thème très sympa pour l'année 2016. Ce sera Princesse et Dragon. Bienvenue dans Un air de vacances. Et on commence très fort avec Enrique Iglesias. Et Duel el Corazón. Un air de vacances sur Vivacité. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Enrique Iglesias, qui est toujours au top du tip-top, que vous retrouvez chaque jour sur Vivacité entre 19 et 20h. Et puis le nouveau classement, ce sera bien sûr samedi à partir de 10h30 jusqu'à 13h. duel el corazón. Bon, place au jeu de plage et au beau cadeau encore une fois. On va vous inviter au Labyrinthe 2016, le labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. Et c'est carrément un pass familial qu'on vous offre hein, pour deux adultes, deux enfants. Direction donc Durbuy-Barvaux-sur-Ourthe. Très belle région. Le thème est très sympa, ça va faire plaisir à la fois aux petites filles et aux garçons puisque c'est princesse et dragon. Voilà le thème de cette année 2016. Il y a un site évidemment, c'est lelabyrinthe.be pour tout savoir du labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. Cliquez sur le site et vous allez voir les images. Elles sont juste fabuleuses et on vous y invite. Alors on a décidé de ne pas faire un jeu compliqué aujourd'hui. Enfin, compliqué, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui allez nous le dire, bien sûr. On va jouer par SMS, ça ne change pas, au 60-03 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message. Alors on ne va pas vous passer une seconde d'une chanson et vous demander de trouver l'interprète. On va vous passer une partie de chanson et on a retiré un mot. À un moment donné, il va y avoir un petit blanc qui correspond à un mot. Et bien, c'est ce mot-là que vous allez devoir envoyer par SMS au 60-03. D'accord ? Donc, un mot mystère dans une chanson et on va jouer avec Michel Berger et une chanson que nous écoutions hier d'ailleurs, une magnifique chanson qui s'appelle Quelques mots d'amour. Et donc, dans cette chanson, on a retiré un mot, à vous d'identifier lequel. Écoutez. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon écorce. Bon, bah oui, quel est ce mot, le mot mystère? Si vous souhaitez participer, eh bien, allez-y, envoyez votre message au 60-03. Je sais pas si on peut réécouter encore une fois, puisque bon, ben, c'est vrai que faut le temps, hein, il est 11h11, donc, du coup, 11h11, bah, voilà, c'est l'heure de l'apéro pour certains, donc on va réécouter une seconde fois. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor. Quel est le mot mystère de la chanson de Michel Berger, Quelques mots d'amour? À vous de nous l'envoyer par SMS au 60-03. Bonne chance. Vous connaissez l'histoire de ce kiné qui s'est fait un tour de rein? Ou celle de cet anesthésiste qui s'est fait piquer par une mouche CC? Ou celle de cet acupuncteur qui a perdu ses aiguilles dans une botte de foin? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre cabinet ou pour votre officine. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard, votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les professions libérales. CBC, décidez d'avancer. Topitz, astuce congélation du jour. Nous sommes les 5 congélations Topitz, de vrai dur à cuire. On se tient toujours droit pour facilement nous remplir. Topitz, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec Topitz. Vivacité Tour des sites organisation présente 800 reflets, un spectacle son et lumière en vidéomapping qui retrace 800 ans d'histoire à l'abbaye du Val-Dieu. Rendez-vous chaque soir du 29 juillet au 28 août à l'abbaye pour découvrir ce récit fantastique. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec les fromages, les bières et le cidre de Val-Dieu, l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Tous les matins, Vivacité vous propose une séance de rattrapage. Cactus, enfant de cœur, les meilleurs moments du 8-9. Quand je pense que sur certaines radios du service public, on nous reproche de ne pas avoir de fond et de nous adresser au baraque. De c'est vous qui le dites, d'on n'est pas des pigeons, de la vie du bon côté, du 5 à 7. J'ai un petit œil de Moscou. Et bien sûr, toutes les infos dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. Et en large dans le journal de 6h. Vivacité matin, dès 4h30, avec Karine Bresse. Le matin, c'est malin. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h, avec Cyril. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain, de 8 à 9, pour bien démarrer la journée. On fait connaissance avec vous ce matin, puisque... Sur Vivacité et sur la Une. Jusqu'à 13h, Vivacité... Un air de vacances. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Oh mais que vois-je ? Denis Collard est de retour au bar de la plage là. Salut Denis, il est tout bronzé, il arrive dans un instant avec la météo des plages et de vos vacances. Mais là c'est l'heure de notre tout premier tube de l'été, tous les bateaux, tous les oiseaux de Michel Polnareff. Des paroles écrites par Jean-Loup Dabadi, c'est un grand succès de Polnareff. Le 45 Tours est sorti en 1969 et sur la face B de ce 45 Tours, il y avait Toutou pour ma chérie qui deviendra également un des morceaux emblématiques de Michel. Et il se retrouvera d'ailleurs sur l'album Polnareff. Polna Révolution de 1972. C'est une chanson touchante quand même, hein. Tous les bateaux, tous les oiseaux, nous sommes dans les années 70. Voici Michel Polnareff sur Vivacité. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, ni au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé. Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu Michel Polnareff, notre tout premier tube de l'été, Vivacité. Vous l'avez peut-être vu dans le cadre des Francofolies de Spa. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera de retour en concert avec Vivacité, Michel Polnareff, le 18 novembre prochain à Forêt Nationale. Il est de retour pour la météo des plages et des vacances. Denis Collard, bonjour. Vous êtes tout bronzé. Et vous nous confirmez que pour imiter votre teint hâlé, la côte belge fera le job ce mercredi. Oui, parfaitement, Stéphane. Ah, c'est vrai. Bon, allez, reprendre, c'est jamais gai, mais quand c'est sous le soleil, c'est plutôt agréable. Et quand il s'agit de vous le confirmer sur la côte belge, eh bien, ça n'est que mieux. Et en effet, aujourd'hui, eh bien, sur notre littoral, on aura toutes les conditions pour une belle journée estivale. Il n'y aura pas trop de vent, il y aura du soleil et les températures, eh bien, 18 degrés dans l'eau, 21 à 22 degrés sans problème au littoral. On pourrait même atteindre les 24 avec l'après-midi, eh bien un vent qui va devenir complètement discret. Donc veillez plutôt à bien protéger les enfants avec de la crème solaire. Et puis attention, hein, le coup de soleil n'est pas l'apanage uniquement des enfants. Donc profitez-en bien, car les perspectives pour les prochains jours sont un petit peu moins marrantes. Effectivement. Bon, on va tout de suite aller à Agadir. On va plus parler de la côte belge. On en reparlera demain. Agadir au Maroc, où Jeanne et Maurice de Dour souhaitent prendre un bain de soleil ce mercredi.

Vous n'allez pas nous envoyer un pigeon voyageur, hein. Vous n'allez pas faire comme l'oiseau, je vous rassure. Vous allez nous envoyer un SMS pour gagner au 60-03 pour 75 centimes. Vous envoyez simplement cœur, hein, voilà, cœur, vous l'écrivez comme vous voulez. Cœur, comme le cœur d'Estonie, mais vous pouvez envoyer cœur, C-O-E-U-R, bref, 60-03 par SMS. Et on vous envoie deux places pour la nuit des cœurs de Villers-la-Ville. Ce sera donc le 26 août. Si vous n'avez rien à l'agenda à cette date, eh bien, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons avec vivacité. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. De 13h à 15h, prenez l'été du bon côté sur Vivacité. Ce mardi, dans l'été du bon côté, Didier de Radiguez nous a donné de bons conseils concernant les vacances à moto. Rendez-vous dès à présent sur notre site internet pour retrouver le podcast de l'émission. Vivacité, ma radio complicité. Aussi sur rtbf.be/ovio. Cuisine Xina. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le Festival Cuisine. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. L'auto présente le mois de Wowout. Semaine 3, une copie conforme du scénario de la semaine 2. Avec chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Wow. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Dans un instant, on appelle Sandrine Scourneau qui sera là dans les People en vacances. Mais tout de suite, voici Lily Allen pour vous donner le sourire. Smile sur Vivacité. Feeling alone. At first, when I see you cry. Toute la musique que vous aimez tout l'été sur Vivacité avec tout à l'heure Morgane de Toi de Renaud. Je vois aussi Tomber sous le charme de Christophe Maé. Un air de vacances sur Vivacité. Et c'est l'heure des People en vacances avec Sandrine Scourneau. Bonjour Sandrine. Bonjour Stéphane. Alors vous serez aux commandes de Juste à temps après les JO sur la 2 à 18h50 tous les jours pour la météo et les conditions de circulation. Vous êtes aussi une présentatrice emblématique de la météo sur TV5 Monde. Vous parlez au monde entier, c'est incroyable. Au monde entier, 80 millions de personnes, pas moins que ça. Wow, quelle audience quoi. C'est mieux que l'Eurovision quoi. C'est ça. Bon ça va, vous passez un bel été ? Ah bien, jusqu'ici, ça se passe plutôt pas mal, mais évidemment, il y a la reprise, évidemment, après les JO. Donc, tout doucement, on se réimprègne des conditions de circulation, mais ce sera un départ assez cool, hein, puisque c'est encore les vacances. Donc, sur les routes, ça se passe plutôt pas mal. Hormis quand on a évidemment un incident, ça roule plutôt bien. C'est clair. Quelle est la chanson qui représente le plus l'été pour vous? Autrement dit, votre tube de l'été préféré, celui que vous écoutez volontiers dans l'autoradio? Ah, mais ça n'a pas vraiment de consonance été, mais ici quand j'étais en vacances, ils ont repassé, en fait il y a eu une soirée karaoké dans le club où j'étais, oui. Et ils ont repassé Creep de Radiohead, et c'est un truc vraiment vieux comme le monde, mais que j'ai retéléchargé donc, et que je réécoute bien volontiers pour le moment, et c'est vrai que chaque fois que je monte dans la voiture, ben, c'est celle-là que je mets en premier. Bah on va la mettre aussi, hein, voilà. Ouais. C'est ça. Voilà, on va rester sur Radiohead pour les prochaines questions. Bah justement, vous êtes donc déjà parti en vacances. C'était où? C'était bien? C'était comment? Alors, on est parti en Égypte. Ça fait déjà quelques années qu'on part en Égypte. Et puis, on n'a pas trop peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous avaient demandé, ouais, pas trop peur, les attentats, etc. Et ouais. Puis non, il y a quand même pas mal de sécurité. Et puis sinon, c'est rien. Donc, nous, on est parti du principe qu'on connaît très, très bien le pays et qu'on savait où on allait. Et donc, ça s'est super bien passé. Puis le soleil est évidemment toujours au rendez-vous, pas un seul nuage. Entre 40 et 45 degrés, mais bien ventilé, on sent pas trop la chaleur. Les gens sont vraiment très très gentils, on a très bien mangé. Il y avait un bar dans la piscine, il y avait besoin de rien d'autre. Vous êtes plutôt camping ou hôtel ? Plutôt hôtel. Piscine, mer ou montagne ? Piscine et mer ? Ouais, ok, on peut en prendre deux. Oui, c'est comme les glaces tout à l'heure, mais on va y venir. Justement, la météo. Oui, c'est ça. La météo idéale de vos vacances, c'est 45 degrés avec pas trop la sensation de chaleur. 45 degrés, moi, ça me paraît énorme. Oui, mais pas tellement en fait, parce que là où on va, c'est toujours des stations un peu balnéaires, évidemment, qui sont soit Sharm El Sheikh, soit Hurghada, etc., près de la plongée. Donc à partir de là, tu as énormément de vent, donc tu sens pas un peu traître d'ailleurs. C'est comme certains cocktails avec du rhum ou du gin, c'est un peu traître, parce que tu dois évidemment bien te protéger, mais tu sens pas du tout cette chaleur. Tu la sens en fait quand tu sors de l'avion. Tiens, justement, en parlant de rhum, pas la romantique, hein, mais avez-vous un apéro, un cocktail préféré de l'été? Ah, moi, je suis vodka rouge. Ah oui, c'est pas du rhum, ça. Non, vodka c'est pas rouge. Du rhum. Moi, je suis plus vodka que rhum. Ok. Quel est votre plat préféré de l'été? Les barbecues. Voilà. Avec toujours les barbecues. Oui, voilà. Quand l'été arrive, tu sais que c'est le moment où tu vas retrouver les potes autour d'une vodka, d'un apéro, et puis les soirées qui se terminent au coin du brasero, parce qu'en Belgique, il faut quand même un brasero qui ne peut pas faire sans, où tu rallumes le barbecue pour le fromage. Ouais. Et donc voilà, ouais, non, c'est vraiment les soirées entre potes qui est synonyme d'été, quoi. La glace plutôt fraise, vanille, chocolat, un autre goût? Fraises et chocolat. Et les gourmandes, hein, ouais. Deux boules. Alors, chez nous en Belgique, où vous sentez-vous vraiment en vacances? Chez nous. Chez moi. Ben chez moi, je dans quelle région habitez-vous, sans indiscrétion? La grande périphérie de Charleroi. Ouais. Et je me sens vraiment en vacances chez moi parce que j'y suis pas souvent. Ouais. Et j'ai pris dans le ventre, donc on aménage la maison déjà depuis de nombreuses années. Et là, ça commence vraiment à se profiler. Et voilà, quand on est à la maison, on est bien. Voilà. Et quand vous allez à la mer, quelle est votre station balnéaire préférée chez nous? Mais moi j'ai grandi à la mer parce que mes parents ont fait du voilier, donc moi je connais la côte comme ma poche, de Ostende jusqu'à Knokke, j'ai fait tout le long. Okay. Mais où est-ce que je me sens vraiment chez moi? Je dirais Blankenberg parce que c'est là qu'on a fait du voilier et que j'ai grandi entre les Luna Park quand il pleut et la plage quand il fait bon. Et puis la côte de long en large, je la connais assez bien, mais je dirais Blankenberg parce que c'est vraiment là que j'ai grandi. Donc, super, merci beaucoup Sandrine d'avoir... répondu au téléphone malgré vos congés JO, hein, obligés. Oui. Donc on vous revoit la semaine prochaine sur la 2, 18h50. Ça s'appelle Juste tout à temps. Tout à fait. Avec et la météo aussi. De bonnes vacances à tous ceux qui y sont. Et puis à tous ceux qui nous écoutent, plein de bonnes choses. Tiens, d'ailleurs, on va faire le RTBF Mobile Info. Je vous propose de lancer vous-même, Jean-Marc Strel, puisque c'est un peu votre job et que je suis un peu paresseux avec le soleil qu'il y a aujourd'hui. Allez-y, c'est à vous. Allez, on va retrouver Jean-Marc Strel, pour l'infotrafic. À tout de suite. Et oui, et évidemment, c'est vers le littoral qu'il y a quelques problèmes en cette fin de matinée, car il y a du soleil. On va dire que c'est ça. Le 40 Bruxelles-Ostende en accordéon, hauteur de Ternat à Alost, ici jusqu'à Erpemer. Vous perdez une trentaine de minutes sur cet axe en direction donc du littoral. Quelques soucis aussi sur le 429 entre Quin et Blandin. Des répercussions sur le 42 depuis Tournai, vous perdez 50 minutes. C'est pour rejoindre la France. Sur le ring de Bruxelles, l'extérieur, ça coince toujours entre Woluwe et Saint-Étienne. Et d'Iguem et de Wemel-Agette vers Grand-Bégard. La circulation intérieure entre Bercé et les forêts dans la zone des travaux vers Grand-Bégard. Et puis en ce qui concerne l'incident sur la petite ceinture de Bruxelles au niveau de la gare du Midi, le tunnel Léopold II est toujours fermé dans les deux directions avec des ralentissements aussi du tunnel botanique au tunnel Rogier vers la Basilique. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances? Sur Vivacité. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. Out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. But for now, we can stay here for a while. Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not. One Call Away, c'était Charlie Puss sur Vivacité. Et on appelle chez vous à la maison pour vous inviter à la Nuit des Cœurs qui se déroulera très très prochainement du côté de Villers-la-Ville. Deux places, vous et la personne de votre choix. On compose le numéro de téléphone de quelqu'un qui a envoyé cœur au 6003 pour 75 centimes. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Stéphane, bienvenue en direct sur Vivacité. Bonjour Stéphane, vous allez bien? Mais très très bien, et vous, quel est votre prénom? Voilà, moi c'est Colette. Ben enchantée Colette, où habitez-vous? J'habite à Verviers, plutôt sur la commune de Peuleur, dans la province de Liège. Mais je vois très bien, ouais. Très très bien. Voilà. Pas loin de Failly, hein? Voilà, exactement, ça, où je suis d'ailleurs, parce qu'en fait je me suis arrêtée, j'étais en route, je me suis arrêtée pour envoyer le message, et puis je suis repartie, et je suis toujours sur la route, donc je viens de me mettre sur le côté, dès que mon téléphone a sonné, voilà. Ça va, vous n'avez pas trop chaud, vous avez la climatisation dans la voiture? Ah non, mais de toute façon, moi j'adore la chaleur, donc il n'y a aucun souci, c'est le bonheur total ce soleil. Et voilà. celui qui vous réchauffera le 26 août s'appelle Michel Fugain. Voilà. Ah bah c'est génial, super. Eh bah oui. Grand merci à vous. On vous invite à la nuit des cœurs de Villers-la-Ville le 26 août à l'abbaye de Villers-la-Ville. Qui allez-vous emmener avec vous? Ah bah je vais emmener mon petit mari Jean-Claude, bien sûr, il aime ça aussi. Il a intérêt à faire la vaisselle, hein? Non, pourquoi? Je sais pas, hein. ça se mérite, cadeau, non? Petit cadeau, hein. Petit cadeau, hein. Parce que je lui dois bien tout ça, voilà. C'est ça. C'est votre petit mari, ça veut dire qu'il mesure combien? Mon petit mari qui fait 1m85 contre mon 1m53, hein, donc... D'accord, donc c'est votre grand mari, alors, hein. C'est mon grand mari, voilà. Exactement, tout à fait. Bon. Très bien. Et ben gros bisous à vous, Colette. Profitez bien de la nuit des cœurs. Merci, Stéphane. À bientôt. Merci beaucoup à vous et je vous embrasse. Au revoir, merci. Au revoir. L'été du bon côté. Ah bah oui, on fait tout lentement aujourd'hui. On a décidé parce qu'il y a du soleil, donc on est cool, hein. Émilie on de Kegel. En profite. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. On est mercredi aujourd'hui, oui. Et dans une configuration classique. Et non, attention, je vais juste, parce que le micro est un petit peu bas pour moi, parce que moi je ne fais pas... Attendez, on va couper votre micro, voilà, vous allez pouvoir le redresser. Super, parce que je ne fais pas 1m53 comme votre auditrice à l'instant, je me rapproche plus de la grandeur de son mari, donc il faut que le micro soit un peu plus haut. Ouais. Bref, dans une configuration classique, le mercredi c'est le jour des... enfants. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des... Alors, si je vous dis des éditions à Verbaud, là tout de suite ça ne vous dit pas grand-chose. Absolument par contre, pas. Si je vous dis dauphin, tremplin, les cahiers de vacances. Ah oui, oui, oui. Oui, voilà, les éditions pour les enfants qui vous ont peut-être accompagné quand vous étiez à l'école primaire, quand vous étiez jeune, qui vous accompagnent toujours peut-être maintenant, si vous êtes instituteur, professeur ou parent d'élèves qui ont également ces éditions avec eux, puisque figurez-vous que cette année, Dauphin fête ses 50 ans. Ça existe toujours. Quant à tremplin, mais bien sûr, quant à tremplin, c'est la 96e année quand même. Hein. Donc nous allons en parler avec l'un des responsables de l'édition, il s'appelle Fabien, et il viendra avec plein d'idées. On va parler de la lecture, comment appréhender la lecture chez les jeunes enfants, quelles sont les lectures que vous proposez aux enfants, les fameux cahiers de vacances, est-ce que vous avez fait vos exercices de vacances cet été? Super. On était toujours ravis de recevoir les cahiers de vacances. Et on verra que c'est hyper important, surtout de les faire en fait maintenant. Enfin, on posera la question, est-ce que c'est mieux de les faire en début de vacances ou plutôt maintenant, à quelques jours de la rentrée? Des questions que vous avez peut-être envie de poser à notre invité cet après-midi, que vous pouvez déjà faire maintenant sur la page Facebook ou par SMS. D'ailleurs, je pense que j'en ai 6 qui sont vierges, si ça vous intéresse. Des cahiers de vacances? Oui. Mais peu importe mais l'année, c'est dedans, la même chose. Il hein. n'y a même pas mon prénom. Ah, c'est dommage. C'est incroyable. Ah, j'ai pas réussi. Moi, j'avais pas le choix. Ah oui, d'accord. C'est autre chose. Voilà, bon, si ça vous intéresse, les vents, hein, 1 € symbolique. Mais non, mais donnez-les. Mais donnez-les à votre fille quand elle sera un petit peu plus grande. Je ne sais même pas si, où ils sont, en fait. Je pense qu'ils sont partis. Oh, ils sont déjà recyclés. Bon, c'est dommage. Merci beaucoup, Émilie. Et rendez-vous tout à l'heure. Donc, à partir de 13h. Oui, et bien juste avant pour le top 3, le hit parade. D'Andorre. Voilà. La principauté d'Andorre, bien sûr. Et là, tout de suite, c'est Christophe Maé sur Vivacité avec Tomber sous le charme. Et puis, on parlera des guêpes. Oui, des guêpes avec Aurore Salsado. Comment éviter les guêpes? Eh bien, vous saurez tout dans un instant. Je les arde au soleil. Je vois des merveilles. Je marche sur l'eau. Tu me souffles à l'oreille. Que l'amour te réveille. Qu'ici, tout est beau. Alors je laisse mon cœur dériver, mon cœur s'est tourné, car il faut que je te dise, je suis tombé sous le charme, à cause de tes mains, tes mots doux tournent autour de mon âme, comme des refrains vaudous, je suis tombé sous le charme, à cause de ton sein sur ma joue tourne autour de mon âme.

had to get up on myself. I can find a way to hide all the dreams that fell so far. Hey, I know, had to get up on myself. I can find a way to hide all the dreams that fell so far away. Ça s'appelle Sweet Afterglow et c'est Alex Germis qui était sur Vivacité. Dans un instant, les guêpes, et même tout de suite, allons-y avec Aurore. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Hier, on vous parlait des moustiques. Aujourd'hui, quelques astuces de grand-mère avec vous, Aurore, pour éloigner les guêpes. Sans vouloir être rabat-joie, c'est déjà bientôt la rentrée et l'automne, saison où les fruits mûrs attirent plus que jamais les guêpes. Alors, avant d'avoir recours aux grands remèdes, essayons déjà de les éloigner. Les guêpes n'aiment pas trop l'odeur des plants de tomates, figurez-vous. Donc, il suffit de placer des branches de plants de tomates sur la table et vous devriez en être quitte. Pareil pour le café moulu. Prenez un peu de café frais, pas utilisé donc, et faites-le brûler dans une soucoupe. Le café se consume sans flamme et les guêpes détestent cette odeur. Elles ne sont pas non plus très friandes des bougies parfumées, de l'encens, des clous de girofle, de l'huile essentielle de lavande ou de citronnelle. Et puis, un dernier truc, mais qui ne fonctionne pas très longtemps, suspendre des sachets d'eau congelée. Il paraît que les reflets du soleil sur ces sacs dérangent ces demoiselles. Si malgré tout, vous avez encore des guêpes qui vous ennuient, il faudra peut-être passer à la vitesse supérieure, l'extermination. Dans ce cas, un truc simple, le piège à guêpes en bouteille en plastique. Vous la coupez avec un cutter à une quinzaine de centimètres en dessous du goulot. Vous retournez le dessus que vous mettez dans la deuxième partie comme si c'était un entonnoir. Si vous souhaitez suspendre la bouteille, n'oubliez pas de faire deux petits trous dans la partie du bas pour y accrocher une ficelle. Votre piège est prêt, mais il faudra encore un appât. Vous pouvez mettre de la bière et un élément sucré comme de la confiture ou du jus de fruits. Mais dans ce cas, vous allez aussi attirer les abeilles. Or, elles, on aimerait autant les préserver tant elles sont utiles et rares. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les guêpes aiment aussi les protéines. Donc, si vous placez un morceau de viande crue ou de poisson cru dans un fond d'eau dans la bouteille, eh bien, vous allez attirer les guêpes, mais c'est pas gagné pour l'odeur. S'il fait chaud, par contre, vous n'attirerez pas, du coup, les abeilles. Enfin, dernier conseil, placez ce piège à 3 mètres environ de la table de votre terrasse ou dans vos arbres fruitiers si votre but est de protéger les fruits du verger. Merci Aurore, et puis on vous lit sur internet, tous vos bons conseils de l'été sont bien sûr disponibles sur vivacité.be, vous cliquez sur la page Un air de vacances. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Dis devant ça. Oui, LMS. Est-ce que tu es prêt pour ta seconde cesse? Oh, je stresse un peu, mais... Ok, allez, complète les phrases suivantes. Carbonade, frites et... Mayonnaise. Bien. Pavé de saumon sauce. Tartare. Bien. De Vos, tu as réussi avec les félicitations de Curie. Oui. La sauce Curie qui mère toujours des points. La voilà. De Vos les mains. À table.

Bonjour à tous. Une année scolaire coûte-t-elle trop cher? Oui, selon la Ligue des familles qui vient de réaliser une étude, notamment pour les élèves scolarisés dans l'enseignement technique et professionnel, où le montant est le plus élevé. Delphine Chabert est la secrétaire politique de la Ligue des familles. C'est 750 euros juste pour le matériel à rajouter aux 1500 euros que coûte une année. Et donc pour des familles qui très souvent ont des revenus modestes, c'est absolument énorme, inadmissible. Et on voit des familles dont les enfants sont en technique ou en professionnel qui sont reléguées. C'est une espèce de triple peine. D'une part, ils se retrouvent dans des filières qu'ils n'ont pas choisies. Ils doivent payer beaucoup plus cher que dans le général. Et en plus, ils ont des problèmes par rapport au choix de la filière puisque certaines filières ne leur sont pas accessibles alors que c'est le métier qu'ils voudraient faire parce qu'elles sont trop chères. Et donc là, on demande vraiment une gratuité de cet enseignement, une accessibilité pour tous les jeunes, que tout le matériel nécessaire aux apprentissages, quelle que soit la filière, soit fourni aux élèves et que petit à petit, on aille vers une gratuité pleine et entière dans cet enseignement. Delphine Chabert de la Ligue des familles au micro de Françoise Berlaimont. Notons qu'une année scolaire en primaire coûte environ 1225 euros selon la Ligue des familles et 1550 euros en moyenne dans l'enseignement secondaire général. Le 17 août 1996, il y a 20 ans, jour pour jour, les corps de Julie et Mélissa étaient retrouvés à Sarre-la-Buissière. Leur corps sans vie était enterré dans une des propriétés de Marc Dutroux. Karine Rousseau, la maman de Mélissa, a choisi de sortir un livre aujourd'hui, en cette date symbolique. Le titre du livre, c'est « 14 mois ». Karine Rousseau y raconte les 14 terribles mois qui séparent l'enlèvement de sa fille et la découverte du corps. Dans l'actualité internationale, en Turquie, 38 000 prisonniers vont être libérés pour faire de la place dans les prisons turques. Les prisonniers en question n'auraient rien à voir avec le coup d'État manqué d'il y a un mois. Depuis lors, des milliers de personnes ont été arrêtées et emprisonnées, toutes soupçonnées d'avoir un lien avec le putsch raté. Les Belges vont-ils continuer à nous faire rêver aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Rio? Après la médaille de bronze hier de Yolin Dor en cyclisme et la médaille déjà assurée des Red Lions en hockey qui se sont qualifiés pour la finale. Parmi les athlètes qui entrent en piste aujourd'hui, Thomas van der Platsen, le décathlonien, champion d'Europe à Amsterdam en juillet dernier. Il démarre vers 14h30, la première des 10 épreuves prévues, le 100 mètres. Françoise Aliski lui a demandé si la médaille d'or décrochée par Nafisa Toutiyama l'heptathlon l'inspirait. Oui, c'était vraiment un truc de fou. Ce que Nafi a fait, j'ai vu que tout le team était inspiré par cette performance-là et je connais Nafi bien et ce qu'elle a fait ici, c'est incroyable et ça montre qu'il y a toujours des possibilités et elle a vraiment se concentré sur sa propre heptathlon et moi je vais faire la même et espérer que l'esprit du Jeux Olympiques me porte pour des performances très beaux. Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Rio, François Zaleski. Et toujours en athlétisme à suivre cet après-midi, Bachir Abdi sur le 5000 mètres un peu après 15h. René Eikens pour le 800 mètres après 16h. Et à 16h45, un espoir de médaille en taekwondo peut-être, Mohamed Kedbi disputera les 8e de finale chez les moins de 58 kilos. Vous êtes fan d'Harry Potter et vous n'avez pas encore pu voir l'exposition qui lui est dédiée à Bruxelles. Pas de panique, elle est prolongée jusqu'au 6 novembre en raison de son succès. Elle devait normalement se terminer le 11 septembre. Au total, depuis le 30 juin, 160 000 amoureux de l'univers du jeune magicien se sont rendus à l'exposition. RTBF Mobile Info avec vous Jean-Marc Stray, les liens du monde vers la mer. Oui, effectivement, c'est dense sur le 40, Bruxelles-Ostende, notamment en accordéon entre Witteren et Saint-Martin-Niveleux. Vous perdez 20-30 minutes selon, donc un peu de patience si vous allez à la mer aujourd'hui. Pour vous rendre en France via le 429, ça coince aussi entre Quin et Blandin, des répercussions sur le 42 depuis Tournai. Et là, on parle de 45 à 50 minutes perdues, peu de patience aussi. La circulation extérieure du ring entre Woluwe-Saint-Etienne et Diggen et à hauteur de Wemel vers Grand Bigard, il y a du monde. Circulation intérieure de Bercel à Forêt dans la zone des travaux en direction de Grand Bigard et entre Grand Bigard et Zélic en direction de Villevorde. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances continue sur Viva avec vous Stéphane Piedbeuf. Eh oui, c'est jusqu'à 13h et c'est l'heure à laquelle on s'informera avec le journal Vivacité. Merci Justine Hermans. Chez Cora, Les petits prix ne sont jamais en vacances. Et surtout pas avant la rentrée. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. C'est des jours entiers ployés sous un fardeau. Jamais léger, toujours courbé le dos. Avant toi, laisse-moi te dire. Démener, chanter dans le désert. Pour qui c'était tous ces vers, tous ces airs. Avant toi, laisse-moi te dire. Quelle est magnifique la chanson de Calogero. C'était avant toi sur Vivacité à midi 9. Midi 9. Midi 9, qu'est-ce qu'on fait à midi 9, Fabien? C'est le quoi? Le quoi? Le jeu. J'ai pas bien compris. Le jeu. Ouais. Le jeu. Ah, le jeu, oui. Oui, le, le jeu. Comment? Dans un instant, le jeu. Bon, le jeu, oui, et en plus, il est sympa puisqu'on vous envoie au Labyrinthe 2016 de Barvaux-sur-Ourthe. Deux adultes, deux enfants pour un thème très sympa de l'année 2016, Princesse et Dragons. Donc voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Allez voir le site hein, labyrinthe.be, le labyrinthe.be même. Et là, vous verrez ben, tout le programme, tout ce qu'il est moyen de voir. Vous voyez d'ailleurs la princesse, le dragon, vous voyez un espèce de château, Merlin, enfin un Merlin l'enchanteur. C'est sympa. Je l'ai fait une fois, le labyrinthe. C'est vraiment un truc très, très sympathique. En plus, la région est magnifique parce que, en plus du labyrinthe, vous pourriez par exemple descendre l'Ourthe en kayak, ou encore aller manger dans les nombreux restaurants de la plus petite ville du monde, la ville de Durbuy. Si vous souhaitez gagner, c'est le mot mystère. C'est le jeu du mot mystère. On vous passe un titre qui est la chanson de Michel Berger, Quelques mots d'amour. Il manque un mot, il faut trouver de quel mot il s'agit et nous envoyer ce mot par SMS au 6003 pour 75 centimes l'euro d'envoi de message. Voilà, 75 centimes d'euro l'envoi de message. On y va ? Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes photos, non c'est pas ça. Je t'envoie mes plus belles histoires, c'est pas ça. Je t'envoie mes baisers, c'est pas ça. Je t'envoie mes nuits, c'est pas ça. Je t'envoie mes voyages, ce n'est pas ça non plus. Je t'envoie mes paroles, ce n'est pas ça. Je t'envoie mes sous, ce n'est pas ça non plus. Je t'envoie mes idoles, c'est pas ça. Allez, on va réécouter et il faut absolument que quelqu'un trouve la bonne réponse, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes soleils, c'est pas ça non plus. Tiens, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un gros mot, c'est pas ça non plus. Bref, si vous avez la réponse, 6003 par SMS. Et dans un instant, on vous appelle et vous irez en famille passer une journée inoubliable au Labyrinthe 2016 de Barvaux-sur-Ourthe. Un PC très lent, ça rend très vite fou. Profitez donc très vite de nos super deals sur le plus grand assortiment de PC portables, d'ordi 2 en 1, de smartphones et plus encore. C'est uniquement maintenant dans nos magasins et sur Mediamarkt.be. Mediamarkt, je ne suis pas fou. Au cœur d'un cadre naturel exceptionnel, découvrez un monde extraordinaire. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Assistez à des spectacles inédits. Bienvenue au Monde Sauvage des Wai. Le Monde Sauvage des Wai, Safari Park unique en Belgique, E25, sortie 46. Mondesauvage.be. En télé sur la Une. L'été de Devoir d'enquête. Une vaste collection de documents inédits, des témoins privilégiés. J'étais en état de choc. Et des affaires retentissantes réactualisées. Pour découvrir les dessous de l'actualité judiciaire, rendez-vous avec Devoir d'enquête chaque mercredi sur la Une. Info et bonne humeur. Voici le cactus de ce matin. De 8 à 9, le 8-9 est le rendez-vous de l'été pour bien démarrer la journée. Sur Vivacité et sur la Une. Le garage Skoda Chu vous invite à découvrir les dernières nouveautés Skoda. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Skoda, pensez Skoda Chu et profitez d'un très grand choix de véhicules d'occasion. Garage Skoda Chu à Chenay, au pied de la Côte d'Hambourg. Skoda Chu, le service en plus. Un air de vacances sur Vivacité. 12h13, c'est l'heure de notre second tube de l'été. Il s'agit de Mungo Jerry in the Summertime. Alors c'est quand même génial, hein, c'est un groupe britannique qui, dès leur premier single, eh bien, ont touché le jackpot. Il est paru juste avant l'été 1970 et il s'est bien sûr classé en tête des charts dans plein de pays. Et le groupe en écoule finalement quelques 30 millions d'exemplaires. Imaginez un peu, 30 millions d'exemplaires. C'est d'ailleurs un des singles les plus vendus au monde. Et c'est maintenant sur Vivacité, In the Summertime. Voici Mungo Jerry dans Un air de vacances. Make it good and lay by. We're not crazy, we're not dirty, we're not mean. We love everybody.

un air de vacances sur Vivacité. Denis Collard est de retour depuis le bar de la plage pour vous annoncer la météo de vos vacances. Denis, c'est un SMS non signé qui vous demande le temps à Naples, en Italie. Stéphane, SMS anonyme à Naples, j'aime, ça me rappelle des souvenirs. Non, allez, soyons sérieux. Eh bien, à Naples, les choses vont s'arranger dans le sens où aujourd'hui, eh bien, c'est plutôt nuageux avec 29 degrés malgré tout. Hein. Demain, soleil et nuages, 28 degrés, 29 degrés à partir de vendredi et on a à nouveau eh bien, une petite bouffée de chaleur à partir de dimanche, 31, 32 degrés à partir de lundi, avec possibilité toutefois d'avoir un petit orage en fin de journée, mais dans l'ensemble, les conditions restent bonnes. Pour terminer, cap sur Marbella, dans le sud de l'Espagne, où Horacio et Graziella s'installent pour quelques jours dès demain. Ah, Marbella et ses plages, ses golfs, et puis, peut-être moins connu, la statue de Feu, le frère de Feu, notre reine Fabiola. Ah. Et oui, les Mora et Aragon y étaient bien connus, et notamment le fameux frère qui était un fêtard inassouvi. Mais bon, ça c'est autre chose, en tout cas pour faire la fête à Marbella, il n'y a aucun problème. On a des températures qui devraient atteindre dès demain 29 degrés, on garde quand même 24 degrés la nuit, c'est quand même fort chaud. 29 degrés également pour vendredi, 30 pour samedi, 28 à 29 pour dimanche et lundi. Donc peu de variations et toujours un soleil bien bien présent. Oh bah c'est super, merci beaucoup Denis Collard. Vous revenez demain bien sûr en pleine forme comme aujourd'hui. Juste un instant, c'est M. Pokora et puis ce sera Chantal Goya notre invité. Même avec tout l'or du monde, il y a des choses qui ne s'achètent pas en monde. Tout ce que les années nous volent, rien ni personne ne nous le rendra. Donne-moi un peu de toi avant que tout s'en aille. Donne-moi un peu de toi et je serai de taille. Donne-moi la main qu'on arrête le temps. Oui, juste un instant. Oui, juste un instant, danse avec moi, avant que la vie nous file entre les doigts. Je veux t'entendre chanter, oh, oh, oh, chante avec moi, oh, oh, oh, je veux t'entendre chanter, oh, oh, oh, chante avec moi, oh, oh, oh. Et même avec les aiguilles du montre, on ne recoupe pas le passé, oh no, oh no. On remet à plus tard l'amour, mais demain ne nous est pas donné, oh no, oh no. Donne-moi un peu de toi avant que tout s'en aille. Donne-moi un peu de toi et je serai de taille. Donne-moi la main qu'on arrête le temps. Et juste un instant. Oui, juste un instant, danse avec moi, avant que la vie nous file entre les doigts. Je veux t'entendre chanter, oh, chante avec moi, oh, je veux t'entendre chanter, oh, chante avec moi. rollo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor, viens mon flamme, de le soleil couché, chauffe mon âme, jamais, jamais calme, viens mon flamme, depuis qu'on se connaît, jamais en panne, avec toi je plane. J'ai toujours le cœur en été, comme une étincelle à mes côtés, comme un feu qui me colle à la peau. Et j'ai toujours le cœur en été, comme si l'hiver était de trop. Moi j'ai toujours le sang chaud. Io, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, ay sube, sube, sube la calor. C'était Kenji Girac sur Vivacité. Et en direct sur Vivacité, elle est là avec nous par téléphone, Chantal Goya, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bah, je vais bien, je suis encore en vacances dans les Pyrénées, tout va bien. Ah, les Pyrénées, c'est votre destination de prédilection ou c'était Non, je reviens du Luberon, là où j'étais 3 semaines dans le Luberon et maintenant je pars dans les Pyrénées une semaine. Ah bah c'est top ça, vous en profitez bien. Bah, oui. Oui, y a beaucoup d'orages et beaucoup de pluie, voilà, ah. Direct. Bah venez en Belgique, il fait beau aujourd'hui. Mais je sais qu'il fait très beau dans le nord, j'ai bien regardé. Hein. Bon, enfin c'est pas grave, ça donne de la pluie pour les plantes. Hein. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, est-ce que vous viendrez bientôt chez nous, Chantal? Écoutez, je dois chanter bientôt, je crois que je dois chanter à Colfontaine, oui, bientôt, enfin au mois de décembre. Ok. Et avant, je commence ma tournée, parce que j'ai fait quand même 35 dates en Belgique, avec les aventures fantastiques de Marie-Rose. Et maintenant, à partir de novembre, je suis en France, où j'ai pas fait encore la tournée, jusqu'au mois de mai. Voilà, je fais toutes les villes principales, mais je serai en Belgique. Mais oui, le 3, je viens pour le 3 septembre pour les fêtes à Charleroi et le 18 septembre à Liège. Bon, bah ça va, on va vous voir alors. Voilà, vous allez me voir, absolument. Bon, hein? ça va être avec le spectacle que vous avez déjà fait non, découvrir non, au public. Non, ça va être tous mes succès. Ah. C'est un podium en plein air, donc c'est tous mes succès. Super. Vous êtes plutôt camping ou hôtel? Hôtel. Piscine, mer ou montagne? Mer. Oui. Quelle est la météo idéale de vos vacances? Ah bah grand bleu, hein. Moi quand il fait beau, ça va. Hein. Et une température, vous supportez bien la chaleur ou... Oui, 30, 35, 27, 28. Non mais c'est bon, hein, parce que j'ai l'habitude. Avez-vous un apéro, une boisson, un cocktail favori cet été? Ah bah alors, problème, je bois pas d'alcool de ma vie. Donc, jamais les... Vous n'avez jamais bu d'alcool? Non, jamais. Pas une goutte de vin, ni de champagne, ni rien. Ni de Ricard, ni de rien. Jamais, jamais? Ben oui. Mais jamais, je n'ai jamais... Non, jamais, jamais. Comme j'ai dit, ma mère m'a fait naître avec un sang tout neuf et je repars avec le même sang. C'est top, ça. Bravo. Non, non, je n'ai jamais bu d'alcool. Ben moi, je bois des jus de fruits, enfin des fruits pressés, parce que les jus de fruits, j'aime moins, mais des oranges pressées, des pamplemousses pressées, des citrons pressés, voilà, je fais ça comme ça. Quel est votre plat préféré de l'été? Alors, la salade de tomates mozzarella, avec des tomates cœur de bœuf bien tendres. Ouais, avec le petit basilic. Et autre chose aussi, des avocats avec des pamplemousses mélangées avec, avec de la bonne huile, l'huile d'olive, et puis de la crème de basilic. Tiens, avocat et pamplemousse, ça se marie bien. Ah bah c'est génial, c'est fait très frais. Ça. Alors là, on a mangé ça tout l'été. Waouh. La glace, vous êtes plutôt fraise, vanille, chocolat, un autre parfum? Vanille. Dans quel endroit vous sentez-vous vraiment en vacances quand vous venez en Belgique? Parce que bon, vous avez déjà fait pas mal de... Ah bah Belgique, il y a des beaux endroits. Il y a toute la Belgique au bord de la mer qui est très belle. Oui. Il y a les villes. Non, moi je me sens bien partout en Belgique. Ok. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous? Autrement dit, votre tube de l'été préféré? Oh là, vous me demandez beaucoup parce que j'écoute pas tout ça. Mais alors pas de cette année forcément. Hein. Ça peut être un tube des années 80, des années 70, des années 60, des années 90... La chanson de la Martinique, je crois, ou de la Guadeloupe, L'avait repassé, Francky Vincent. Mais comment vous dites? Non, pas Francky Vincent, c'est un groupe de Nana. Un groupe de Nana. Ah oui, Maldon. C'est Zouk Machine, c'est ça? Voilà, Zouk Machine. Attendez, on va le mettre, on va voir si c'est ça. Mais voilà. je suis certain que c'est ça. Repasser, balayer, tout ça. Voilà, la gâte est toujours pimpant. Celle-là? Ça va très bien parce que j'adore balayer, j'adore nettoyer. On l'écoute, c'est ça? Oui. Oui. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça. Ah ouais. Bon. Ouais, ça fait vacances. Parce super. Vous allez, vous mettez ça et puis ça y est, je vais dans les vacances. Ah ouais, mais on va d'ailleurs la mettre en entier. Pourquoi pas? Bah oui, elles sont bien les Zouk Machines, elles étaient sympas en plus, je les connais bien. Bon, on va le dire, Jean-Michel qui gère la programmation est en vacances, d'accord? Bon. Donc on le dira à personne, Chantal, hein, d'accord? On va on mettre la chanson rien, en met entier. On met Zouk Machine et puis voilà. Voilà, on va mettre Zouk Machine et on va se faire un gros bisou et à très vite en Belgique alors. Eh ben vous êtes gentil, j'ai mon DVD de mon nouveau spectacle qui va sortir à Noël en décembre. Ah super, on ça, peut. C'était très attendu. On peut le commander via votre site? Oui, on peut le commander via mon site à partir de septembre. Donc on peut, il y a des préventes, donc c'est génial. Exactement, via mon site chantalgoya.net, je crois, je sais plus. Eh ben impeccable, merci beaucoup Chantal, on ira le. En tout cas, merci commander. De m'avoir invité et j'adore la Belgique, vive la Belgique. Avec plaisir, bisous, au revoir. Merci, à bientôt, gros bisous, merci. Elle a du goût, Chantal Goya, ça fait plaisir ça. Maldon, Zouk Machine avec un soleil de plomb comme on le vit aujourd'hui, un ciel bleu, azur. Et on appelle chez vous à la maison pour vous offrir l'accès familial au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. Si vous vous perdez dans le labyrinthe, on vient pas vous chercher. Hein. Ceci dit, le thème est très sympa, hein. Les princesses et les dragons. Allez voir, c'est le labyrinthe.be. On jouait au jeu du mot mystère et on appelle chez vous, chez quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse. Bon, ça sonne, mais ça ne décroche absolument pas. Ça, c'est... Hein ? Ça sent le répondeur. Alors... Ça sonne... Il n'y a pas de répondeur, tu vois, c'est marrant, ça. Hein ? Au bout de la 15e sonnerie, on arrête. Hein. C'est fou, c'est quelqu'un qui n'a pas de répondeur. Bon. Un petit café, Fabien ? Ouais. Et vous à la maison, un petit cocktail ? Hein ? Cocktail quoi ? Mojito, caipirinha, c'est fou ça. Bon. Mais il n'y a pas de répondeur sur ce téléphone. Bon, bah c'est pas grave. Bon, on va appeler un autre numéro dans un instant, bien sûr, sur Vivacité. Mais on écoutera aussi les Coldplay, hein, Hymn for the Weekend avec Beyoncé. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Faites la fête avec nous. Vivacité présente le Solidaris Day, c'est dimanche 21 août à Flémalle. Et en plus, tout est gratuit. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Solidarisday.be. Vivacité présente la 12e fête médiévale de Remouchan. C'est 20 et 21 août. Combat de chevaliers, joutes équestres, montreurs de rapaces, jongleurs, troubadours, concerts ménestrels, feux d'artifice. Assistez au spectacle ou passez votre brevet de l'écuyer en participant aux animations. Info www.fêtemédiévale.be. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Direction le sud de la France. Avec le tour opérateur Lagrange, nous vous emmenons séjourner en famille au bord de la Méditerranée. À Narbonne-Plage, dans l'Aude, à la résidence, la baie des Oliviers. De là, vous partirez à la découverte des vignobles, du canal du Midi ou encore des cités historiques de Narbonne et Carcassonne. La grande évasion avec Philippe Jonio et Aurore Salsano. Tous les matins, Vivacité vous propose une séance de rattrapage. Les meilleurs moments des émissions de la veille. Vous embrouillez tout, hein, Benjamin Maréchal. Et bien sûr, toutes les infos dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. Bouffée d'air chaud qui nous arrive. Vivacité matin, dès 4h30, avec Karine Bresse. Le matin, c'est malin. Vivacité à Esneux. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Jusqu'à 13h sur Vivacité. Un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. To lift me up. en espérant que cette fois-ci la personne appelée décroche pour gagner l'accès familial au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. On appelle chez vous, à la maison. Allô, oui? Oui, c'est moi. C'est moi qui ça? Excusez-moi. Bah, devine. C'est Vivacité. Ah mince. Bon, bah, j'aurais essayé, hein. J'aurais essayé. Bonjour, quel est votre prénom? Bonjour Philippe. Excusez-moi, j'étais en communication avec quelqu'un d'autre. Ah mais non, j'ai entendu l'écho à la radio. Je dis, attends, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de souci. Oh, c'est bien, ça veut dire que vous êtes toujours à l'écoute, Philippe. Tout à fait. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Ça va? Parfaitement. Vous êtes parti en vacances cet été? Oui, on est allé fin juin dans l'Espagne du Nord, là, à la Costa Brava. Ah, c'est chouette ça. Très très près de la frontière, une toute petite station qui s'appelle Llança, qui est en fait à 15-20 km de la frontière française. Ah d'accord. Donc c'est encore très très traditionnel là-bas, quoi. Ouais. C'est pas du tout les grands buildings, etc. quoi. Bon bah c'est cool. Et vous êtes allé là-bas en famille avec vos enfants, votre épouse? Tout à fait, en famille, mon épouse, une cousine de mon épouse, un de mes frères et ma maman. Donc c'était tout à fait familial. Quoi. Comment s'appelle votre chien? Kenzo. Kenzo couché. Sans doute. Kenzo couché. Ouais, il est sur la terrasse là. C'est un border collie, il est extrêmement gentil. Ouais. Il était en vacances avec nous aussi. Bon, bah, c'est bien. C'est vrai que les animaux, quand on peut les prendre en vacances, il faut. Ah ouais, franchement, disons comme ils nous ont. D'ailleurs, Émilie de Kegel a fait tout un sujet sur les animaux et les vacances dans l'été du bon côté. Oui, donc je vous rappelle d'ailleurs que l'émission est en podcast sur le site du st.be et également sur la page Facebook de l'émission. Bon, alors c'est pas tout ça. On va quand même vérifier la bonne réponse. Hein. On va écouter l'extrait de Michel Berger et cette magnifique chanson qui s'appelle. C'est pas un berger, il vous dit, c'est un border collie. Stéphane, suivez enfin. Mais enfin, ça a été vous. Question. Le border collie, c'est un chien de berger aussi. Hein. Oui, ah bah voilà, paf, paf, paf, raté. Allez, voilà. On écoute Michel et vous me dites le mot. Je t'envoie mon écran. Vous mettrez pas de joke au cœur après? Si. Je t'envoie mes sourires. Eh ben on vérifie. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon écran. Je t'envoie mes sourires. Eh ben c'est gagné, on vous envoie au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe, mon cher Philippe. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Avec plaisir, passez un bel après-midi à l'écoute de Vivacité et d'Émilie de Kegel qui sera là pour vous tenir compagnie jusqu'à 15h. À bientôt. Merci beaucoup, bon après-midi. Au revoir, à bientôt. La recette d'une tranche de bonne humeur le matin? Pressez les meilleurs cactus de la saison. Vous n'avez jamais fraudé? Vous allez nous payer! Ajoutez-y quelques invités, des chroniqueurs déjantés. Faites le chien avec moi. Une bonne météo, quelques infos routières pas trop bouchonnées parce que bon, c'est l'été. Et enfin, une bonne dose d'infos essentielles pour bien démarrer la journée. Bruxelles est la pire ville européenne en matière d'embouteillage. Le rendez-vous de l'été, de 8 à 9, sur la Une et sur Vivacité, c'est le 8-9. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Rendez-vous ce 20 août à Arlon, la ville la plus ancienne et la plus méridionale de notre pays de Cocagne. Nous partirons à l'assaut des fameuses Cuestas et nous ferons une incursion au Grand-Duché avant d'applaudir le régional de l'étape, Jean-Luc Fonck et le groupe Stella. À samedi les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. L'auto présente le mois de Warwood. Semaine 3, une copie conforme du scénario de la semaine 2. Avec chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Waouh! Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. Rio est à 9 400 km de Bruxelles. Mais il n'y en a que 110 jusqu'à Ostende. Team Belgium vous invite sur la plage d'Ostende à soutenir nos athlètes sur écran géant. Jouer au beach volley, profiter des cocktails, des activités pour enfants, dans l'ambiance brésilienne de la Rio House. Entrée gratuite. Plus d'infos sur teambelgium.be. Avec EY et Belfius. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine équipée? Et si nous la concevions ensemble? Design fonctionnel et parfaitement équipé. Cuisson à induction, four multifonction, lave-vaisselle intégrée. Ego vous offre jusqu'à 2500 euros de remise sur l'électroménager. Conditions sur ego.be. Ego, la cuisine de ma vie. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et comme chaque mercredi, grâce à Adrien Jovenot et son invité, faisons un focus sur Vivacité, sur l'attraction touristique qui sera mise en évidence lors de l'étape du beau vélo de Ravel à venir. Ce 23 août, c'est du côté de Libramont que, dans ce cadre, nous vous emmenons, n'est-ce pas Adrien? Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Ce week-end, nous serons à Libramont et comme tous les mercredis, je vous présente un petit peu l'attraction touristique qui sera au centre du village du beau vélo de Ravel. Alors là, on va vous parler ce week-end du Musée des Celtes, qui est également en province de Luxembourg, un peu plus au nord, à Libramont. Anne-Sophie, vous êtes une des conservatrices, animatrices de ce musée. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bonjour. Oui, donc je suis animatrice au Musée des Celtes. Donc le Musée des Celtes, c'est un espace qui propose aux familles de visiter les collections celtes. Et donc on a toute la vie des Celtes dans notre musée, donc c'est très chouette à découvrir. On accueille les familles toute l'année et on a cet été un audio guide pour enfants qui sort. C'est vraiment très familial. Très bien, vous avez eu beaucoup de visiteurs pendant ces grandes vacances et c'est loin d'être fini. Hein. Il nous reste une quinzaine de jours. Ce week-end, vous ferez partie de la grande caravane du beau vélo de Ravel à Arlon. Qu'allez-vous proposer comme animation, Anne-Sophie? Alors, on propose une chasse au trésor, donc c'est sur un plateau de jeu, où c'est un jeu coopératif où les familles viennent et c'est des petites questions et des petites épreuves sur la vie des Celtes pour apprendre à mieux les connaître. Et une fois qu'on a réussi une épreuve ou une question, on a droit à une lettre qui va donner l'emplacement du trésor pour tous les enfants et les familles. Voilà. Un musée donc interactif qui se déplace, un musée nomade et qui vous proposera donc cette chasse au trésor ce week-end du côté d'Arlon. Vous viendrez pédaler avec nous après peut-être Oui, sûrement. Ah, hein, quand on compte sur vous. On compte sur vous. Philippe Soreille sera sur mon tandem et à l'arrivée, il y aura un concert de Stella. Voilà, Jean-Luc. Oh, c'est parfait. Un enfant du pays. Merci Anne-Sophie et à samedi. Merci à vous, à samedi. Et oui, à samedi, et pour participer à cette activité et plein d'autres organisées dans le cadre du beau vélo de Ravel, rendez-vous donc ce samedi 23 août sur la plaine des manœuvres à Arlon. Vous trouverez plein d'infos sur notre site vivacité.be. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. Émilie de Kegel sera là dès 13h, mais elle est déjà là parce que depuis le début de l'été, franchement, bravo, hein, parce que vous avez tous les jours relevé le défi. Ouais, ouais. Attends, il en reste deux, donc je me méfie encore pour les deux qui restent. Mais là, c'est déjà pratiquement 9,8 sur 10. Oui, hein, donc, on va dire ça comme ça. Donc on est pratiquement à du 10 sur 10, voire à du 11 sur 10, ouais. Mais ça, on en parlera plus tard. Là, on prend la direction de la principauté d'Andorre pour voir ce qui fonctionne bien là-bas, côté musique, ouais. Cet été. Alors, on est dans la même configuration qu'hier avec le Liechtenstein, deux petits états qui vont probablement participer au prochain concours de l'Eurovision donc en 2017, oui. Avec des prétendants au titre. Donc ce sont les musiques qu'écoutent les Andoriens, je sais pas comment on dit, les Andorranais. Les odorants, les oui. Bons odorants. Donc voici parmi de nouveaux, enfin c'est une liste non exhaustive, hein, trois extraits, ouais. Alors on pourra éventuellement entendre ça. Oh mon âme, mes intérêts, et c'est moi, ça me dépare. On n'est jamais trop sûr, je rêve. On entend beaucoup la guitare. Hein. Voilà, et... elle chante en français. Oui. Andorre, donc petite principauté dans les Pyrénées, un côté français, un côté espagnol, voilà, beaucoup oui. De. Donc on va pouvoir entendre ça, on va pouvoir entendre ça aussi. Non, on dirait que c'est Aqua avec Barbie Girl. Alors là, Barbie en fait, Girl. Moi je me vois plus il y a 15-20 ans sur la plage de Blankenberg avec les podiums de Teen Omtezin. Mais pourquoi pas, peut-être. Teen Omtezin. C'était la version néerlandophone des podiums de la mer. Vous aviez dit ce qu'on aime. De l'autre côté, Teen Omtezin. Teen Omtezin. Omtezin. Omtezin. Omtezin. Ah, om. Oula, vous avez des cours de rattrapage à faire avant la rentrée, Stéphane. Omtezin. Numéro 3. Ah, c'est plus ensoleillé. C'est plus rock, plus un petit peu punk peut-être. Ouais. Voilà, ce sont les titres qu'on écoute et qu'on entend à Andorre et que nous allons peut-être écouter et entendre nous aussi s'ils passent les différentes étapes pour l'Eurovision. Et peut-être qu'il y a un de ces titres-là qui va gagner, qui sait. Et demain, autre défi, oui. Autre pays. Mm-hmm. Demain, ce sera l'Ouzbékistan. D'accord. l'Ouzbékistan. Okay. Paris tenu. Ben oui, ben, jusqu'à Paris présent, on avait fait... Voilà, voilà. Tout bon, sais, donc, ouais. Bah, tout de même, je ne sais pas, on va voir. On y va. Bon, on va voler. Si vous voulez. Très haut. Très très haut. Très très haut. Avec Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Et puis la météo de Nicolas. Ensuite, Il va pleuvoir, je suis allée au car wash, c'est normal. Ah oui, mm-hmm. Donc quand vous allez au car wash, il pleut. Il pleut, tout de suite. Ah mais non. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird. Brings me to tears, even after all these years, yes. And it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is à la complicité de Nelly Furtado et son titre I Like a Bird. Alors est-ce que nous allons pouvoir voler sans être pris dans des embouteillages de nuages? À mon avis, ils sont sur le point d'arriver. Confirmation avec la météo du jour et les signés de Nicolas. Vabona, votre arme contre les insectes. Bonne journée à tous, du soleil et de la chaleur encore pour aujourd'hui. Journée estivale à souhait avec tout au plus quelques nuages d'altitude et quelques autres qui bourgeonneront en cours de journée. 23 à 25, voire localement 26 degrés, voilà pour les maxima du jour avec un vent faible de secteur nord-est. Demain, on connaîtra déjà une petite dégradation en cours de journée, les nuages bourgeonneront davantage et quelques averses seront possibles à partir de la frontière française, 21 à 25 degrés pour les maxima. Vendredi, on a des averses traversent cette fois, qui traverseront le pays. Et puis samedi et dimanche, le vent et la fraîcheur s'installent avec toujours un temps instable. 17 à 21 degrés pour samedi avec assez bien d'averses. Moins dimanche, 16 à 20 degrés attendus. La 2 en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio le Mag. Tous les jours à 14h sur la 2. Bonjour tout le monde, bienvenue. Vous êtes à l'écoute de Vivacité, il est 13h. La libération conditionnelle de Michel Martin m'a choqué. Karine Rousseau se confie sur l'affaire Dutroux. 20 ans après la découverte des corps de Julie et Mélissa, la maman de Mélissa sort un livre aujourd'hui. Non, l'enseignement n'est pas gratuit en Belgique. Selon la Ligue des familles, une année scolaire coûte plus de 1000 euros par élève. Le coût serait particulièrement élevé pour l'enseignement technique et professionnel. À Serein, les habitants protestent contre la taxe sur les poubelles. Certains ont vu leur facture doubler, voire même tripler. Aux Jeux Olympiques, il n'a que 18 ans, mais il vise la médaille d'or. Le Belge Mohamed Khedbi fera son premier combat à 16h45 en taekwondo. Le journal de 13h avec vous, Simon Gérard. Bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Il y a 20 ans, jour pour jour aujourd'hui, les corps de deux petites filles de 8 ans et demi sont retrouvés à Sarre-la-Bouissière, enfouis sous 6